dit à Josué, devenu âgé, il reste encore beaucoup de terre à prendre. Car tant que la promesse est vivante, le repos n'est jamais la fin. Même après tant de victoires, il reste encore des territoires, des montagnes à conquérir, des héritages à découvrir. Le combat ne s'arrête pas quand l'âge ou l'habitude s'installe. Il reste encore de la terre à prendre, il reste encore des promesses à voir. Même quand nos forces déclinent, ta parole continue son histoire. Il reste encore de la terre à prendre, même quand nous croyons avoir fini. Car ton appel dépasse nos saisons et ne s'arrête pas avec une victoire. Les tribus reçoivent leur part, même si tout n'est pas encore gagné. Car l'héritage se reçoit par la foi, avant même d'être entièrement possédé. Mais Ruben, Gad et Manassé à l'Est ont déjà reçu leur territoire. Il doit maintenant apprendre que la fraternité dépasse la voie. Il reste encore de la terre à prendre. Il reste encore des promesses à voir. Même quand nos forces déclinent, ta parole continue son histoire. Promesse à voir.